C'est bon, j'ai lancé. Je sais plus où c'est. Salut! Toujours dans notre direction? Toujours dans notre direction? Tu veux que je lui demande ce qu'elle fabrique ici? Tu veux que je lui demande ce qu'elle fabrique ici? À quoi ça sert ça finalement? Il se passe jamais rien. À quoi ça sert ça finalement? Il se passe jamais rien. Logique. Logique. Est-elle légère et courvêtue? Est-elle légère et courvêtue? Est-elle légère et courvêtue? Bon, je me demandais comme ça. Peut-être qu'elle vient nous payer pour Tim. Je me demandais comme ça. Peut-être qu'elle vient nous payer pour Tim. Je me demandais comme ça. Peut-être qu'elle vient nous payer pour Tim. Ça m'arrangerait bien. Je ne sais pas faire des poteries comme elle. Ça m'arrangerait bien, je ne sais pas faire des poteries comme elle. Ça m'arrangerait bien, je ne sais pas faire des poteries comme elle. Pourquoi elle passe si près de notre maison? Pourquoi elle passe si près de notre maison? Pourquoi elle passe si près de notre maison? C'était la même chose que la première. Laisse-moi voir! Laisse-moi voir! Et là, c'est qui? On dirait son fils. Et là, c'est qui? On dirait son fils. Non, c'était nul. Ouais, c'était nul. Et là, c'est qui? On dirait son fils. Bah, par le même. Par le même chemin qu'elle. Il approche avec des poteries lui aussi. Par le même chemin qu'elle. Il approche avec des poteries lui aussi. Par le même chemin qu'elle. Il approche avec des poteries lui aussi. Et au fond, j'ai l'impression, c'est pas son père? Et au fond, j'ai l'impression, c'est pas son père? Elle doit les laisser à la rivière. Elle doit les laisser à la rivière. Non. Elle doit les laisser à la rivière. Arrête de regarder par les trous, tu vas t'abîmer les yeux, je te dis. Arrête de regarder par les trous, tu vas t'abîmer les yeux, je te dis. Et moi, je vais faire un tour à la rivière. Et moi, je vais faire un tour à la rivière. Et moi, je vais faire un tour à la rivière. Et moi, je vais faire un tour à la rivière. Et hop, cinq poteries de gagné. Et hop, cinq poteries de gagné. T'occupe, reste vigilant. T'occupe, reste vigilant. T'occupe et reste vigilant.